semaine, je sors du four. Tu les as vu mes efforts. On est cramé dans le secteur, mais on revient de plus en plus fort. Rappelle-toi, c'était moi. Chercher avant 2h du mat. Faut faire monter l'audimat. Là je descends la taille comme un G-man. Trop souvent il m'énerve que des faces bizarres c'est des pétances. Je suis trop sur les nerfs. Peut-être que demain ça ira. Faudra